19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Aujourd'hui, c'est Noël. Qu'ai-je dans mon petit soulier au pied de notre sapin bio Norman ? Oh ! Un paquet, non, un livre. Un tout petit livre, mais avec une dédicace. Pour Vincent, la voix de Carbone 14, cette histoire du fond des âges, à la croisée de la préhistoire et de la métaphysique, avec toute mon amitié, Jean-Paul. Ah ça, c'est vraiment un cadeau de Noël, la préhistoire en 100 questions. Nous, journalistes, on adore quand on nous offre les questions. Cela nous évite tout à la fois de lire le livre et surtout les réponses. Après un bref appel téléphonique, dans la matinée, le Père Noël du magazine de l'archéologie de France Culture sera ce soir Jean-Paul. Jean-Paul Demoule, bien entendu, bonsoir. Bonsoir. Merci de consacrer à nos auditeurs cette soirée familiale et festive. Ils apprécieront tout à la fois Père Noël, éminent professeur émérite de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et, comme vous aimez à le rappeler, premier président à vie de l'INRAP. Vous venez donc de publier « La préhistoire en 100 questions » aux éditions Taillandier. Bien entendu, j'ai eu peu de temps pour préparer cette émission, et pour cause. Mais suffisamment pour voir que vous ne parliez pas du Père Noël. C'est dommage, d'autant que ce patriarche caractérise à lui seul le solstice d'hiver, auquel nombre de civilisations, depuis longtemps disparues ou révolues, ont voué culte, rituel, voire sacrifice, n'est-ce pas Jean-Paul Demoule ? Oui, bien sûr. Un certain nombre de monuments mégalithiques sont orientés selon le solstice d'été comme Stonehenge ou le solstice d'hiver comme la très grande tombe de Newgrange en Irlande où le soleil se lève et éclaire directement la tombe ou même plus près de chez nous les hypogées néolithiques de Quasar dans la Marne avec le même phénomène. Et puis disons-le, à Stonehenge, les néo-druides se sont réunis le 21 décembre, justement, jour du solstice. Il y a peu, des archéologues avaient voulu nous faire croire qu'ils avaient retrouvé la tombe du Père Noël en Turquie. C'est faux, puisque le bienfaiteur des enfants est immortel. En revanche, il y a juste un an, d'autres archéologues faisaient une étonnante découverte à Strasbourg. Oui, c'était une lettre au Père Noël, comme il y en a des centaines de milliers tous les ans qu'une petite fille avait envoyé au Père Noël, en demandant soit un vélo, soit un carrousel, c'est-à-dire un petit manège, et on ne sait pas lequel des deux elle a obtenu, mais on peut faire confiance au Père Noël dans sa grande bonté, surtout si la petite fille était très sage. Oui, je crois qu'elle allait dire qu'elle allait apprendre à lire. Oui. Et la lettre était écrite avec dessus « Au Père Noël, au ciel », et elle datait bien sûr de 1930. Pas de Père Noël dans votre livre, mais par leur petite taille des personnages qui s'en rapprochent, les hobbits de Tolkien, bien entendu. Et à défaut d'elfes, il y a dans votre livre, il y a des hobbits durant la préhistoire ? Oui, bien sûr, et plusieurs désormais. Les premiers ont été trouvés au début des années 2000 dans l'île de Flores, en Indonésie. Donc ce sont des petits hommes relativement récent puisque ça tourne autour de moins 100 000. Donc ils étaient contemporains et des sapiens et de Néandertal et encore d'autres espèces humaines, mais de petite taille. Et donc c'est la presse anglo-saxonne qui les a baptisés hobbits, puisque leur nom scientifique c'est Homo floresiensis. Et donc on en a trouvé plusieurs. Et puis il y a eu encore plus récemment dans l'île de Luçon, Homo lusonensis, sur lequel il y a une émission l'émission de Carbone 14 il y a quelque temps. Une belle découverte, donc, en effet. Voilà. Très très belle découverte. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que ces petits hommes de petite taille ont justement une petite taille parce qu'ils sont liés à un milieu arboricole, un milieu qui n'est pas ouvert? Peut-être plus à un milieu insulaire, puisque dans des îles, et ce qu'on remarque, c'est qu'un certain nombre de mammifères dans des îles, que ce soit la Corse, Chypre, les Baléares, ont une tendance à devenir de petite taille, comme des éléphants nains, des hippopotames nains. Les mammouths, mammouths nains de l'île de Wrangell. Voilà, exactement. Donc c'est plutôt ce qu'on pense, et quant à leur disparition, on craint que ce soit l'arrivée des sapiens, qui sont arrivés dans les parages il y a à peu près 50 000 ans. Au fait, Jean-Paul Demoule, le Yéti est-il un néandertalien qui s'ignore ? Eh bien, c'est une question qui a été posée très sérieusement par ce qu'on appelle les cryptozoologues, c'est-à-dire les gens qui prétendent dénicher des espèces disparues en se fondant sur le fait que on a longtemps cru que l'okapi, le gorille des montagnes, etc., étaient des créatures imaginaires et qu'en fait elles étaient réelles. Donc pour expliquer le Yéti, ça a été une des explications rationnelles, entre guillemets, proposées. Sachant que le Yéti, il avait été observé, pas par des fantaisistes, notamment des officiers très sérieux de l'armée des Indes, des officiers anglais. Et donc, ça a été une des suppositions qui a été faite, notamment dans les années 60-70, d'autant plus qu'on avait un certain nombre de peaux de Yéti, notamment dans des monastères tibétains. On avait même un Yéti entier dans un bloc de glace qu'on promenait dans les foires aux États-Unis. Et malheureusement, un laboratoire de génétique a analysé tous il y en a quand même pas loin d'une vingtaine, les restes de Yéti connus, et hélas, c'était des ours, des chèvres, etc. Donc, même en croyant Père Noël, on peut penser qu'il faut encore attendre un peu. Et puis, le Yéti est à l'Himalaya, ce que le Bigfoot est aux États-Unis, ou l'Almasty d'ailleurs, à l'Europe. Aujourd'hui, le Yéti, on en ferait plutôt un Denisovien, bien adapté à la montagne? Il y a effectivement, dans toutes les mythologies du monde, il y a toujours un être sauvage. Hein. Et vous citiez l'Almasty, ce qui était assez drôle, entre guillemets, c'est qu'effectivement, il y a eu des expéditions très sérieuses pour le retrouver. Et même une expédition de une télévision française dans les années 90. Alors que dans les années 30, Émile Benveniste, le linguiste, avait décrit l'Almasty comme un démon femelle qui s'attaque aux femmes en couple. Sinon, effectivement, on va le retrouver dans différents endroits du monde. Alors, quittons les mythes. Au fait, qui fut le premier homme, Jean-Paul Demoule ? Vaste question qui n'est toujours pas résolue, parce qu'on estime que la séparation avec nos cousins primates s'est située quelque part entre 8 et 10 millions d'années, à peu près. Le fossile le plus ancien actuellement, c'est le nommé Toumaï, ou ça, l'Anthropus tchadensis. Mais il y a des débats parce que, donc, il est également de petite taille, parce qu'il y a un fémur qui traîne et qui semble pas très adapté à la bipédie qu'on lui suppose, puisqu'il s'appelle quand même ça, l'Anthropus, homme. Donc, certains mauvais esprits se demandent si c'est pas plutôt un ancêtre d'autres primates que nous-mêmes. Toumaï, environ 1 mètre de haut, 35 kilos, donc, et bien, de toute manière, un hobbit de Tolkien. J'ai souvenir que dans une école, une petite fille, vous avez demandé pourquoi les espèces humaines évoluaient et non pas les lapins. La question est bien sûr bonne, si tu as vers le point de vue, mais... Oui, ça, j'avais beaucoup aimé cette question. C'était une classe de CM1, CM2. C'est d'ailleurs les interventions que je préfère. C'est la période où les enfants sont déjà effectivement capables de beaucoup de raisonnement, et puis ils n'ont pas ce côté de blasé des préadolescents. Donc elle m'a dit oui. Pourquoi est-ce que ça s'est fait à partir des primates et pas à partir par exemple des lapins? Elle a choisi effectivement. C'est une vraie question, puisque après tout. Les plus anciens primates, Purgatorius, il y a 60 millions d'années, il avait la taille d'une souris. Donc, on estime en général que ce qui fait l'évolution, c'est à la fois la sélection naturelle, la pression du milieu et la sélection sexuelle, le choix du partenaire sexuel. Mais bon, il faut prendre l'évolution comme elle nous a été donnée par le Père Noël. En tout cas, Jean-Paul Demoule, pourquoi les hommes sont-ils sortis d'Afrique et ils ne sont pas sortis qu'une seule fois ? Oui, en fait, ils ont passé leur temps à sortir d'Afrique, donc il faut pas imaginer que c'était en rang serré deux par deux, mais c'est sans doute à chaque fois quelques individus un peu plus curieux qui agrandissent un peu le territoire de chasse, et effectivement, ça prend, si on prend Erectus, il sort aux alentours de 2 millions d'années, mais il met 1 million d'années pour arriver sur les rives du Pacifique, donc et il ne reste que dans les parties méridionale de l'Eurasie. Donc c'est effectivement extrêmement progressif. Et Sapiens va faire de même ensuite, il y a à peu près de 200 000 ans. Donc c'est pas le manque de place, parce que l'Afrique est un très grand continent. On peut penser qu'effectivement ça a pu être plus de la curiosité qu'autre chose, mais effectivement on constate que dès les origines les humains sont des migrants par nature, un grand singe migrateur, comme on a pu le dire. Alors est-ce que c'était une bonne idée? J'ai participé à un livre sur l'histoire de la connerie en faisant le chapitre sur la préhistoire de la connerie. Effectivement, on peut s'étonner que cette espèce africaine aille jusque dans le nord de la Sibérie où il fait très froid, ce qui lui a demandé des tas d'adaptations, passe le détroit de Bering et redescend et se retrouve en Amérique du Sud sous les mêmes climats. Alors, en même temps, bon, ils ont appris des tas de choses, donc ça les a certainement enrichis. En tout cas, c'est parce qu'ils sont sortis d'Afrique que la France a été peuplée. Mais par qui? Qui est le premier Français, la première Française? Eh bien, c'est malheureusement déjà des émigrés, donc aux alentours d'1 million, 1 million 2 à peu près, les premières traces humaines ont été notamment découvertes près de Béziers, Lézignan, La Sèbe. Alors, il n'y a pas d'ossements humains, mais il y a des outils associés à de la faune, donc d'Homo erectus et de Femina erecta par conséquent. Les plus anciens vraiment restes humains sont beaucoup plus récents, c'est des dents qui remonte à 500 000 ans à peu près, qu'on a trouvé aussi bien dans les Pyrénées orientales que dans l'est de la France. Alors faisons bien sûr un bond dans le temps. Longtemps, Néandertal a séjourné chez nous. Pourquoi donc a-t-il disparu et a-t-il réellement disparu? Non, il n'a pas disparu, parce que nous avons tous, nous, les Eurasiatiques, quelques pourcentages de gènes de Néandertal. On a même fait l'hypothèse que ce soit notre sensibilité Covid-19 soit liée à certains gènes néandertaliens. La dépression aussi. Oui, aussi, effectivement. Mais donc, il a peut-être disparu parce qu'il était trop dépressif. Il n'y a pas d'explication définitive. Ils étaient sans doute moins nombreux, et d'après les premières analyses génétiques qu'on a, ils avaient peu de relations les uns avec les autres, donc ils pouvaient être relativement isolés. On peut toujours supposer également des maladies apportées par les sapiens, comme ce qui s'est passé avec les Amérindiens et l'arrivée des Européens dans les Amériques. Cela dit, puisque nous avons des gènes néandertaliens, ça veut dire qu'il y a eu des histoires d'amour entre néandertaliens et sapiens. C'est d'ailleurs ce qu'on peut établir pour l'instant, c'est qu'il y a eu plus d'union de femmes sapiens avec des néandertaliens. Donc, elle était sensible à leur côté. On peut plus dire brutal maintenant, mais en tout cas exotique, que l'inverse. Comment vous savez ça, Jean-Paul Demoule? Grâce à la génétique, toujours. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Donc Jean-Paul Demoule, des unions entre sapiens, l'homme moderne et néandertal, oui. Mais oui. Pas de génocide? Pour l'instant, en tout cas, on n'en a pas la trace, même qu'il y a eu des unions avec les Denisoviens dont on parlait tout à l'heure, donc une espèce humaine qu'on connaît que depuis 2010, là encore grâce à la génétique, identifiée dans une grotte de l'Altaï. Dans l'Altaï. Parce que c'était un ermite qui s'appelait Denis. Et donc, il y a chez les Inuits, chez les Tibétains ou chez les Papous, des gènes Denisoviens qui sont des gènes d'adaptation. adaptation plutôt au froid et à l'altitude. Il y a eu des croisements aussi entre Denisoviens et Néandertaliens, et sans doute il semble y avoir la trace génétique d'une autre espèce pas encore identifiée, parce que on n'arrête pas d'en découvrir, et on découvrira certainement plein d'autres espèces humaines. Il y a 100 000 ans, il y en avait 5 ou 6 ou 7 contemporaines. Donc l'idée de la file indienne qui commence avec le singe accroupi et qui se termine avec l'homme blanc barbu avec une lance à la main est complètement mythologique. C'est un buissonnement permanent, et on sait bien que les modèles en réseau sont les plus efficaces. En tout cas, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, nous. Bien sûr. L'homme préhistorique vit-il dans des grottes, Jean-Paul Demoule ? Non, mais c'est là qu'on les a découverts au 19e siècle, hein, parce que c'était plus facile à trouver et qu'on a fait les premières fouilles, alors qu'un campement de plein air ne peut être trouvé qu'avec de bonnes méthodes de fouilles, et que si le campement était préservé. C'est le célèbre site de Pincevent, près de Paris, fouillé par André Leroy-Gourhan, a pu être préservé parce qu'il y avait régulièrement, c'était des campements il y a 12 000, 15 000 ans, qui étaient régulièrement recouverts par des crues de la Seine. Mais s'il n'y a pas ça, on ne va pas le trouver. Alors que dans les grottes, effectivement, ça a été préservé parce que les sociétés se sont succédées. Et en plus, comme il y avait ces fameuses peintures rupestres identifiées à partir de la fin du 19e siècle, c'était bien la preuve qu'ils étaient là. Et ça correspondait bien à l'image barbare, trouble, obscure des débuts de l'humanité. Mais en fait, ils vivaient plutôt en plein air, dans des tentes, des yourtes, etc. Une sorte de vie utérine ? Oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on se la représentait, avec une sexualité qu'on imaginait complètement débridée, et des sociétés qu'on se représentait comme très violentes, d'où le célèbre roman La guerre du feu de René Aîné, publié en 1911 ou 1912. En tout cas, ils nous ont laissé à l'intérieur de ces cavernes un art sur lequel les plus pointus spécialistes de l'art rupestre, ce que l'on appelle les pariétalistes, butent encore à expliquer. Oui, il y a un siècle de polémiques et d'explications concurrentes. L'art pour l'art, la magie de chasse, on dessine un animal, on tire dessus et donc on va le tuer, ce qui n'existe chez aucun sapiens sensé. Le roi Gouran y a vu plutôt une opposition masculin-féminin. D'autres y ont vu le célèbre chamanisme avec les sorciers possédés qui peignaient. Alain Testard, plus récemment, a proposé que ce soit plutôt du totémisme, c'est-à-dire que chaque groupe avait un ancêtre mythique qui était un animal. En tout cas, c'est de toute façon quelque chose d'absolument fascinant. On peut pas rentrer dans ces grottes qui, évidemment, sont fermées, presque toutes fermées au public, sans une très forte émotion. Quoi qu'il en soit, pourquoi les sculpteurs de la préhistoire ont-ils représenté des femmes nues ? L'explication au 19e siècle, on les a appelés Vénus, soit pour faire plus soft, soit un peu par dérision, les avis divergent. C'était l'idée de la fécondité, de la fertilité, la déesse mère, voire le matriarcat primitif, c'est-à-dire une société originelle où c'est les femmes qui auraient eu le pouvoir et pas les hommes. Moi, je suis d'avis que dans la mesure où ces statuettes sont très érotisées, les caractères sexuels sont très très exagérés, qu'il s'agirait plutôt d'une vision masculine et un regard masculin sur la sexualité féminine, parce que les humains sont les seuls où la sexualité n'est pas interrompue régulièrement, contrairement à tous les autres mammifères. Oui, c'est un amoureux permanent. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on peut faire l'amour tout le temps, mais qu'en revanche ça crée des tensions permanentes qu'on peut vérifier aussi bien dans la vie quotidienne ou dans les récits de guerre, hélas contemporains, que dans la littérature. Et comme dans la préoccupation de la plupart des grands systèmes idéologiques, des religions, c'est en partie le contrôle de la sexualité féminine, on peut se demander si effectivement ces premières formes de réflexion des humains sur eux-mêmes à travers leur représentation, cette préoccupation n'est pas déjà présente. Et puis ces Vénus dont vous nous parliez datent d'environ 25, 22 000 ans avant notre ère. La place de la femme dans les sociétés préhistoriques fait actuellement débat, notamment au travers d'un livre, Lady Sapiens, très décrié par la communauté des archéo-anthropologues. Quel est votre point de vue sur ce sujet d'archéologie des genres ? Mon point de vue, effectivement, est que toutes les sociétés humaines connues, on en recensait à peu près 10 000, il n'y a jamais de société où les femmes aient le pouvoir à l'exclusion des hommes. Elles sont plus ou moins dominées, effectivement, suivant les sociétés. On a, dans une intention louable, essayé de dire que c'était pas une fatalité, mais que... Peut-être que jadis, dans le temps jadis, elles avaient une fonction sociale beaucoup plus importante. Et puis, on s'est fondé aussi sur le fait que, au XIXe siècle, quand on regarde les dessins, on voit toujours les hommes rentrer fièrement de la chasse et les femmes s'occuper des enfants et faire la cuisine. Donc, c'était projection de la famille occidentale du XIXe siècle. On voit que dans les sociétés étudiées par l'ethnologie, c'est quand même beaucoup plus complexe. Mais de là à dire que les femmes auraient pas du tout été dominées dans ces sociétés anciennes, il faut pas défendre une cause qui est plus que juste bien sûr. Avec des arguments qui sont faibles, parce qu'au contraire, on affaiblit la cause. Mais néanmoins, effectivement, c'est tendance, mais un certain nombre de mes collègues ont tenu à dire qu'il fallait voir tout ça avec une certaine modération. La question la plus étonnante, la plus déroutante que vous vous posez, Jean-Paul Demoule, est à mes yeux celle qui concerne les grands-parents. Quand apparurent les grands-parents ? Les grands-parents chez les espèces animales, ça dépend à la fois de la maturité sexuelle et puis de l'espérance de vie. Chez les primates, la maturité sexuelle est assez jeune, mais l'espérance de vie est faible. En revanche, à partir de Sapiens, les choses vont s'étendre. Et donc à ce moment-là, on a une durée des générations. Enfin, donc apparaissent la possibilité d'interaction entre les grands-parents et les enfants. Alors chez les animaux qu'on observe, ça n'existe pas, quoi. Même si les grands-parents sont présents, ils ne jouent absolument aucun rôle. Là, on suppose qu'effectivement, la possibilité avec l'allongement de la durée de vie a pu permettre aux grands-parents justement d'assumer une partie de la transmission culturelle. Ceci joint aussi un autre phénomène qui est la ménopause, qui n'est pas vraiment attesté chez les autres primates, et qui fait que la femme, en cessant d'être féconde plus tôt, échappe au problème des grossesses à répétition. Avec le fait, oui, et le fait que le cerveau en grossissant fait que les problèmes d'accouchement sont quand même très nombreux dans les sociétés traditionnelles. Donc l'allongement de la durée de vie plus la ménopause permet effectivement, notamment aux grands-mères, d'exister et d'assurer. Et cela dit, le terme de grand-père-grand-mère est assez récent, c'est plus affectueux, ça date du XVIIIe siècle, avant on disait juste l'aïeul qui était plus descriptif. Jean-Paul Demoule, que savons-nous sur les paradis artificiels ? On connaît aucune société humaine qui n'ait pas de drogue d'une manière ou d'une autre. Et le plus vieil alcool connu actuellement était en Chine, c'est il y a à peu près 9000 ans, fermentation de miel et de riz avec des fleurs. Les plus anciens vins, c'est attesté dans le Caucase et en Iran vers moins 4000, moins 5000. Après, on a de la bière, de l'hydromel, on a des traces de cannabis aussi dès le néolithique. Et à quand remonte la naissance des dieux pour vous ? Ça dépend ce qu'on appelle un dieu. Toutes les sociétés traditionnelles vivent en partie, baignent dans le surnaturel. Il y a que la nôtre dont on pourrait penser une partie des nôtres qui serait laïque, mais en fait c'est pas le cas. Il y a des horoscopes dans plein de journaux. Il y a des conduites magiques tout le temps. Donc c'est ce qu'on peut observer dans les sociétés traditionnelles et qui devait être le cas les sociétés préhistoriques, c'est que on a toutes sortes de manifestations. Et quand on va rentrer dans ces sociétés de plus en plus hiérarchisées, ben, apparaissent vraiment un panthéon avec un roi des dieux, des dieux moins importants, des sous-dieux, etc. Jean-Paul Demoule, la préhistoire est-elle politique? La préhistoire a aussi un aspect politique parce que, au-delà de recenser les faits du passé, elle permet de se poser un certain nombre de questions essentielles. Du genre, est-ce que quand apparaît l'inégalité sociale, est-ce que la guerre a toujours eu lieu? Est-ce que la violence est naturelle chez les humains? On parlait tout à l'heure de la domination masculine sur les femmes. Est-ce que des sociétés se sont effondrées parce qu'elles avaient mal géré leur environnement, etc. Donc ça permet effectivement, et c'est aussi l'un des intérêts, le fait que la préhistoire intéresse, c'est pas seulement parce que c'est les origines ou c'est le trésor, Indiana Jones, etc. C'est aussi parce que la préhistoire permet de poser des questions tout à fait contemporaines. Eh bien, je vous en posais une. Le Covid-19 est-il une conséquence du néolithique? Oui, certainement, parce que au paléolithique, chez les chasseurs-cueilleurs, avant l'invention de l'agriculture, il y avait des maladies qui ont été répertoriées sur les squelettes. Mais à partir du moment où vous enfermez des gens avec des animaux dans des maisons en dur, on invente le village et c'est le début du confinement, et où, grâce à l'agriculture sédentaire, la démographie humaine a explosé. On va passer de 2 millions d'humains il y a 10 000 ans aux 7 milliards actuels. Eh bien, à ce moment-là, la diffusion venue en grande partie des animaux, ce qu'on appelle des zoonoses, et la concentration de beaucoup d'humains va faire naître les épidémies. Et le néolithique invente effectivement à la fois les maladies et le confinement. Et puis, cette concentration fait apparaître aussi les chefs? Progressivement, alors là, c'est pas une espèce d'automatisme, mais le fait qu'il y ait plus d'humains, le fait qu'on va produire de plus en plus d'objets, fait que les leaders naturels qu'on a dans tout groupe humain vont aussi avoir un pouvoir économique. Mais ce que à la fois montre l'archéologie et également les témoignages historiques, c'est que pour être chef, il faut aussi pouvoir se donner comme lié au surnaturel, comme les rois qui étaient sacrés, comme les présidents de nos jours qui jurent sur la Bible, etc. Il faut aussi être capable de montrer qu'on, sans doute en toute bonne foi, qu'on a un lien avec les forces surnaturelles. Après l'Égypte, la Mésopotamie, l'Indus, les Mayas ou les Anasazis, toute société, toute civilisation est mortelle. En ce jour de Noël, devons-nous attendre le collapse, l'effondrement? Ça dépend ce qu'on appelle effondrement, parce qu'effectivement, au début du deuxième millénaire de notre ère, les Mayas, l'urbanisme maya tel qu'il est connu s'effondre, les villes sont abandonnées. Mais on parle toujours maya dans la péninsule de Yucatan. Donc ce qui s'effondre, c'est un système très oppressif et très pyramidal, comme était aussi sans doute l'Indus, comme étaient les cités mycéniennes, etc. Quand on a un système actuel où une vingtaine d'individus sur la planète possède autant que les 50% les plus pauvres, on se demande si ça peut durer indéfiniment. Jean-Paul Demoule, merci d'avoir joué le Père Noël. Merci de votre cadeau, dont je rappelle le titre, La préhistoire en 100 questions, qui vient de paraître aux éditions Taillandier. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Benjamin Vignal, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver 300 archives sur le site inrap.fr.